Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'émeute du Forum de Montréal de mars 1955. Mes chers amis, parce que je joue toujours avec tant d'ardeur et que j'ai eu du trouble à Boston, j'ai été suspendu. Je viens donc demander aux amateurs de ne plus causer de trouble. J'accepte ma punition et je reviendrai la saison prochaine pour aider mon club et les jeunes joueurs du club à remporter la Coupe Stanley. Maurice Richard, le 18 mars 1955, qui lance un appel au calme à ses partisans au lendemain de la fameuse émeute du Forum. L'émeute du Forum, qu'on va aussi appeler l'émeute Maurice Richard, est en quelque sorte la réponse des partisans du Canadien à la décision du commissaire de la Ligue nationale de hockey, Clarence Campbell, de suspendre le Rocket à la suite d'une bagarre survenue lors d'un match à Boston quelques jours plus tôt. Cette émeute va passer à l'histoire. Certains n'y verront que la colère des partisans du Canadien, privés de leur meilleur compteur durant les séries éliminatoires, alors que d'autres y verront la colère de tout un peuple et l'éveil du Québec français en marche vers sa révolution tranquille. Lors de la partie qui mettait aux prises les Red Wings de Détroit et les Canadiens, il y avait de la poudre dans l'air. En 24 heures, le président Campbell était devenu une tête de Turc et Richard une victime. Ce soir-là, lors de l'émeute de Maurice Richard, j'étais dans les bancs gris avec mon père, j'avais 12 ans. Les gens n'avaient pas la tête au hockey du tout. Les gens savaient probablement que Clarence Campbell allait arriver parce qu'il avait dit qu'il serait présent. Et donc, personne n'avait la tête au hockey. Tout le monde attendait son arrivée et on savait... Enfin, je pense que les gens pressentaient qu'il allait se passer quelque chose. Perdant toute mesure, les spectateurs se mirent à bombarder Campbell de tous les objets qui leur tombaient sous la main. Clarence Campbell, en se montrant à la fraise au Forum, il les a comme provoqués. Puis là, les gens étaient réellement pompés, comme on dit. Et puis, à un certain moment, une coupe de bouteilles ont éclaté sur la baie vitrée. Pas du côté de la patinoire, mais du côté des spectateurs. Puis là, il y a un autre amateur qui en a profité pour s'approcher de Clarence Campbell. Puis il l'a giflé. En plein visage, le chapeau a flayé, et puis là, c'est là que ça a dégénéré. Extrait d'un reportage diffusé à l'émission Des Hôtels le 17 mars 2005, le jour du 50e anniversaire de l'émeute du Forum. Vous entendiez dans cet extrait le cinéaste Jean-Claude Laure qui a réalisé une série sur Maurice Richard et le journaliste Jean-Paul Sarrault qui était au Forum le soir du 17 mars 1955. Que s'est-il donc passé ce fameux soir du 17 mars 1955? Quelle importance a eu l'émeute du Forum dans notre histoire? J'en parle avec Benoît Melançon, qui est professeur de littérature à l'Université de Montréal, auteur également du livre « Les yeux de Maurice Richard, une histoire culturelle ». Benoît Melançon, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur Maurice Richard. On reviendra sur les événements comme tels du 17 mars 55 un peu plus tard, mais Maurice Richard lui-même, il en est où dans sa carrière au moment de cette fameuse émeute de mars 55? Alors, quelques chiffres pour aller vite. La carrière de Maurice Richard, 18 ans, 1111 matchs, 1091 points, buts et passes, 1473 minutes de punition, ce qui va évidemment jouer un rôle dans les événements de mars 1955. C'est un compteur, mais c'est un joueur physique. Très dur. Ouais. Un seul titre de meilleur joueur de la Ligue en 1946-1947 et un dernier chiffre, zéro. Il n'a jamais remporté le championnat des compteurs, ce qu'il aurait pu faire à la fin de la saison 1955. Ça aussi, ça joue un rôle dans ce qui se passe à ce moment-là. Le point de départ, on va se rapprocher graduellement de cette émeute. Le point de départ, ça se passe très vite, en quelques jours, mais le point de départ de ce que sera l'émeute du 17 mars 55 se produit à Boston lors d'un match que posent les Canadiens aux Bruins le 13 mars. Maurice Richard, on l'écoute d'abord, nous raconter l'événement dans le documentaire « L'époque des héros », un documentaire réalisé par Jacques Bouchard en 2009. Ça faisait deux, trois fois que j'étais pris avec l'écho et l'arbitre me retenait par en arrière et l'écho essayait de me frapper, j'essayais de m'éloigner, de réparer les coups et je me défaisais toujours de juge de ligne et à la troisième fois, quand j'ai vu qu'il me retenait de jouer en arrière, je me suis retourné, bien entendu, j'ai frappé l'arbitre. C'est vrai que je l'ai frappé ou sur la tête, dans le visage ou je ne sais pas, j'étais trop fâché pour savoir où je frappais. Et c'est là l'incident qui est arrivé, que deux jours après, quand je suis revenu à Montréal, Campbell avait décidé de me suspendre pour les trois dernières parties de la saison et toutes les parties du playoff. Et... Qu'est-ce qui se passe, Benoît Melançon, ce fameux soir du 13 mars 55 à Boston? Alors, Maurice Richard raconte une partie de ce qui s'est passé. Ouais. Alors, en troisième période, il reçoit un coup de bâton à la tête de Harley Cole, le joueur des Bruins. Il se met à saigner. Et ça, c'était la façon de rendre Maurice Richard furieux. Il y avait deux façons de le rendre furieux. Vous l'insultiez en le traitant de frog, ou vous faisiez couler son sang, il devenait furieux. Il décide, ça c'est la première chose, et c'est la chose dont il ne parle pas, il décide de se venger. Et il le disait lui-même. Moi, je ne garde pas ça pour les matchs suivants, je règle ça tout de suite. Donc, il s'en prend à l'écho avec ses poings et avec un ou plusieurs bâtons. Alors, un bâton, deux bâtons. Clarence Campbell, quand il va le suspendre, va dire qu'il a utilisé trois bâtons. Et la mythologie, maintenant, Tony Maurice Richard dit qu'il en a utilisé quatre. Mais donc, il y a une partie violente avec ce joueur-là. Et ensuite, il y a la partie avec l'arbitre. Effectivement, il est retenu par un juge de ligne et il va le frapper. Donc, vous avez là deux aspects violents de ce qui s'est passé. Et c'est à mettre dans un contexte. Alors, ça fait longtemps que Maurice Richard a des problèmes avec la Ligue nationale de hockey. En 1951, il s'est engueulé avec un arbitre dans le lobby d'un hôtel. Ouais. En 1952, on lui a enlevé la chronique qui était celle à son nom parce qu'il s'en était pris à la direction de la Ligue nationale de hockey. En 1953, il a des problèmes encore avec un arbitre et encore parce que c'est une bagarre à coups de bâton. Donc, il n'est pas du tout étonnant que Clarence Campbell soit aussi sévère qu'il va l'être parce que là, il y a un long, long contentieux à la fois avec les autorités de la Ligue nationale de hockey et avec les officiels, donc les juges de ligne et les arbitres. On le connaît. C'est un fauteur de troubles. Dans la perspective de Clarence Campbell, de la direction de la Ligue nationale de hockey, Richard, oui, c'est un bon joueur, mais c'est un fauteur de troubles. Clarence Campbell dit... C'est un problème de tempérament que je ne peux pas m'expliquer. Je ne sais pas d'où il vient, mais vous avez un problème de tempérament. Et c'est un problème de tempérament qui se reproduit continuellement dans le temps. Si ça se reproduit, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'il est suspendu, ce n'est pas la première fois qu'il est mis à l'amende. Alors, en 1955, c'est dans l'histoire de la Ligue nationale le joueur qui a été le plus souvent puni, le plus souvent suspendu, qui a le plus d'amendes. Donc, ce n'est pas du tout étonnant que Clarence Campbell réagisse comme ça. Ouais. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là, il dit, il y en a trop, il faut faire autre chose. Et on l'écoute, puis écoutez effectivement le verbatim de ce que dit Clarence Campbell, parce que le verdict tombe le 16 mars 55, mais effectivement, il s'en prend littéralement... Il y a un côté disciplinaire, mais le tempérament, là, il le remet c'est un truc en question. De caractère. Voilà. Donc on l'écoute. Clarence Campbell, quand le verdict tombe le 16 mars 55. Whether this type of conduct is the product of temperamental instability or willful defiance of the authority in the game does not matter. It is a type of conduct which cannot be tolerated by any player, star or otherwise. In the result, Richard will be suspended from all games, both league and playoff, for the balance of the current season. Comportement instable, défiance inacceptable de l'autorité et le verdict. Clarence Campbell qui suspend donc Maurice Richard pour le reste de la saison, ses trois matchs, et pour toute la période des séries éliminatoires. C'est une petite bombe qu'il vient de lancer. Oui, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, Maurice Richard n'a jamais remporté le championnat des compteurs. À ce moment-là, le 16 mars 1955, il est en tête. On s'attend à ce qu'il, pour la première fois, il réussisse à remporter le championnat des compteurs. Il va lui manquer trois matchs, et la personne qui va remporter le championnat des compteurs, c'est Bernard Geoffrion, son coéquipier, qui va finir par se faire huer par les partisans des Canadiens, parce que c'est lui qui a pris le titre qui aurait dû revenir à Maurice Richard. Donc là, il y a quelque chose qui concerne Maurice Richard personnellement, la perte du championnat des compteurs, et quelque chose qui concerne l'équipe, parce que les gens savent bien que privé de son meilleur joueur, les Canadiens ont moins de chances qu'ils n'en avaient de gagner la Coupe Stanley, et effectivement, c'est les Red Wings qui vont gagner la Coupe Stanley contre les Canadiens. Et qui est encore meilleur, corrigez-moi si je me trompe, mais Richard, il est encore meilleur dans les séries éliminatoires, non? C'est là où il est à son meilleur. Il y a toute une mythologie de Maurice Richard et ça repose essentiellement sur ce qu'il fait dans les matchs éliminatoires. Le 23 mars 1944, il est tout jeune, les Canadiens gagnent 5-0 contre les Maple Leafs en séries éliminatoires. C'est lui qui marque les 5 buts. Il y a une série contre les Red Wings en 1951. C'est lui qui marque le but dans le premier match dans la quatrième période de prolongation. Puis au deuxième match, c'est lui qui marque le but dans la troisième période de prolongation. Ouais. En 1953, ils sont contre les Bruins, encore en séries éliminatoires. Il y a un but de d'Elmer Lack en prolongation sur une passe de Maurice Richard. C'est l'homme des grandes occasions. Donc, on sait qu'on peut compter sur lui en séries éliminatoires. Et là, en 1955, on ne pourra pas compter sur lui. Comment, avant même d'arriver au 17 mars, au jour de l'émeute, comment, le 16, là, quand Clarence Campbell y vote ce verdict très sévère pour les partisans du Canadien, comment réagissent les Montréalais? Alors, là, c'est pas une chose que je vais vous apprendre, vous savez aussi bien que moi. On est dans l'ordre du récit. Hein? On n'a pas d'image de ce qui s'est passé à Boston. La télévision n'a pas filmé ce qui s'est passé. Donc, c'est des récits contradictoires. Les gens racontent ce qui s'est passé. Il y a une audition devant Clarence Campbell où les gens viennent opposer leur récit. Et c'est à la suite de cette audition-là, qu'il va y avoir le verdict. Donc, les gens savent que quelque chose s'est passé. Ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé, mais ils savent qui est touché, donc Maurice Richard personnellement, et l'équipe qui est touchée aussi. Et donc, tout de suite, évidemment, les médias vont s'en emparer. Alors, les journaux, beaucoup la radio, parce que ça, c'est une chose qu'on a un peu perdu de vue aujourd'hui. Dans les années 50, le hockey, c'est la radio. Oui. La télévision vient d'arriver, elle présente des bouts de match tard en fin de soirée, mais vraiment, les gens ne connaissent le hockey la plupart du temps que par la radio. Maurice Richard n'avait jamais mis les pieds au forum avant d'y jouer, mais il connaissait le forum parce qu'il l'avait entendu à la radio. Donc, c'est la radio qui va jouer un rôle d'incubateur le 16 et le 17 dans ce qui va se passer, parce qu'évidemment, là, les gens vont se faire leur propre récit. Mmh. Leur propre récit, c'est notre meilleur joueur est victime du tyran, du despote qui dirige la Ligue nationale de hockey. Ce qui fait que le 17, le lendemain, donc le 17 mars, le Canadien reçoit les Red Wings de Détroit à Montréal. L'atmosphère, elle est très tendue et bien avant le début du match, Benoît Melançon. Alors, le match commence à 20h30. Dès 19h probablement, il y a des milliers de personnes qui sont au Square Cabot, devant l'ancien forum, pour manifester. Et le premier extrait qu'on a entendu est très intéressant quand on entend le mot « poudre », quand on entend le mot « bombardement ». Alors, il ne faut pas oublier, on est en 55, on est 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce genre de vocabulaire-là, qui met en scène une guerre, qui m'enseigne une opposition, va jouer un rôle très, très important. Donc, ça commence à l'extérieur, l'émeute. Déjà, il se passe des choses. Déjà, on lance des projectiles. D'une certaine façon, alors, les gens disent, Jean-Paul Sarrault le disait tout à l'heure dans ce qu'on a entendu, hein, c'est la faute de Campbell quand Campbell va arriver. Ben non, il va y avoir une émeute. Elle est déjà commencée à l'extérieur. La présence de Campbell va peut-être accélérer les choses, mais on peut assez légitimement penser qu'il se serait passé quelque chose. Ça aurait peut-être pas eu la même ampleur, mais il est sûr que les partisans anglophones et francophones, qui sont massés là, sont déjà en colère. Quelque chose va arriver. Ouais. Et puis ça commence, parce qu'il y a cet avant-match que vous décrivez. Oui. Il y a la première période, parce que ça va tout se joue dans la première période. Voilà. Parce que Clarence Campbell n'est pas là. Ouais. Il n'est pas là au début du match. Il arrive tardivement. Et là, il va très rapidement se faire bombarder. Et là, c'est amusant parce que les récits vous racontent toutes sortes de choses. Hein. Il se faisait lancer des arachides, des œufs, des tomates, des pieds de porc marinés, des pièces de monnaie. Donc, il se fait lancer toutes sortes de choses. Il se fait agresser physiquement. Donc, il y a un spectateur qui s'en prend à lui. Et il y a une bombe lacrymogène qui explose à l'intérieur du forum, dont on ne sait pas très bien d'où elle vient. Il y a toutes sortes de récits là-dessus. Et donc, ça va mener à la défaite des Canadiens, parce qu'il va falloir évacuer le forum. Et en évacuant le forum, le match ne peut plus se jouer. Donc, les Red Wings, qui sont les adversaires, gagnent le match. Ouais. À l'intérieur, ça se résume à peu près à ça. Donc, c'est calmement, d'ailleurs. Oui, en fait, et réussir à évacuer comme ça, disons, 15 000 personnes à peu près, les gens du forum, sans qu'il y ait de casse manifeste, c'est déjà une réussite en quelque sorte. Et là, les gens sortent, ils se retrouvent sur la rue Sainte-Catherine, et là, l'émeute va aller de l'ouest vers l'est. C'est l'émeute elle-même. C'est donc les gens qui sortent, qui vont rejoindre les manifestants, qui sont déjà, eux, amassés devant le forum depuis avant le match. Des gens qui vont même, parce que la radio décrit cette émeute en direct. J'entendais en préparant cette émission un extrait d'une entrevue de Jean Béliveau qui racontait des années plus tard que lui-même et chez lui se rend compte de l'ampleur que ça prend en écoutant la radio. Et lui disait, Jean Béliveau, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait, oui, au départ des gens devant le forum, mais qu'il y a plein de gens qui se sont habillés et qui sont allés se joindre à cette émeute. Maurice Richard n'a pas à l'émeute. Ouais. Maurice Richard était au forum. On l'a évacué comme on a évacué tout le monde. Il est monté dans sa voiture et lui a découvert l'émeute par la radio aussi. Ouais. Alors, c'est une vraie émeute. Il ne faut pas minimiser l'importance. Donc, on va renverser des kiosques à journaux. On va les incendier. On va incendier des poubelles. On va briser des vitrines. Donc, il y a des blessés. Il y a des dommages matériels considérables. Ça va véritablement se dérouler de l'ouest vers l'est. Donc, les gens partent du forum et s'en vont vers l'est. La durée n'est pas très claire parce que, bon, on regarde les reportages de l'époque, on essaie de voir, mais probablement que ça a duré jusqu'à 3-4 heures du matin, quelque chose comme ça. C'est une vraie émeute. Il y a aussi une chose qu'on passe sous silence, qui, moi, me frappe quand on regarde des images de l'époque, c'est qu'il y a une dimension festive aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on brûle des choses, c'est vrai qu'il y a une violence, et je ne veux pas du tout la minimiser, mais il y a aussi des gens qui dansent avec des grands sourires autour de ces poubelles qu'on a incendiées. Il y a des gens qui célèbrent, ça aussi, on l'oublie, mais la Saint-Patrick. Ben oui, soir-là. On a tendance à penser que le 17 mars 1955, il n'y a que des francophones fâchés contre le méchant anglophone. Ben non, il y a des francophones, il y a des anglophones, des fans de Maurice Richard, il y a des Irlandais qui, effectivement, font la fête. Ouais. Et il y a quelqu'un qu'on a interviewé plusieurs années plus tard, dans son témoignage, qui dit « J'accompagnais un groupe d'étudiants, on était en tramway, le tramway était bloqué, on est descendu et on s'est dit « Let's join the party ». Oui. Voilà. Le lendemain de l'émeute, on l'entendait au tout début de l'émission, mm-hmm. Maurice Richard, qui est contraint, il faut bien le dire, par l'Organisation du Canadien, de lancer cet appel au calme. Est-ce que ça aura un impact important? En fait, l'émeute est déjà finie quand il fait oui. ça. Alors, il fait ça en français, en anglais, à la radio, à la télé. Il lit un texte, on l'entendait bien tout à l'heure, c'est une déclaration toute préparée pour lui, mais c'est déjà fini à ce moment-là. Alors, il va faire ça. Ce qui est assez amusant, c'est que des gens vont se mettre à faire des chansons en reprenant le texte pratiquement de sa déclaration. Il y a une chanson en français puis une chanson en anglais. Donc, il y a des gens qui se servent de cet événement d'actualité pour inventer une histoire. Ils se mettent à chanter l'émeute puis ils disent exactement ça. Hein. Je suis désolé de ce que j'ai fait. Je vais revenir l'année prochaine pour aider mes coéquipiers du Canadien à gagner la Coupe Stanley. Du rap avant l'heure. J'ai pas entendu ces chansons, mais vous piquez ma curiosité, ça c'est certain. C'est Maurice Richard qui score, qui ah score. Ah oui, celle-là, bien sûr. Ouais. Les journaux, comment ils vont... Parce que ça va évidemment, dans les jours qui suivent, ça va, il va y avoir un débat qui va commencer. Comment vont réagir les journaux? Est-ce qu'il y aura une différence, par exemple, dans la réaction des journaux francophones par rapport aux journaux anglophones? Il y a une différence, elle est probablement moins grande que ce qu'on prétend. Alors, c'est pas, vous voyez, les journaux anglophones défendant Clarence Campbell et les journaux francophones s'opposant à Clarence Campbell, ce serait beaucoup trop simple de dire les choses comme ça. C'est vrai qu'il y a une poussée nationaliste très forte dans les journaux francophones. Dans les journaux anglophones, il y a un genre de tentative de compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi expliquer ça? On le voit très bien dans les caricatures. Il y a une caricature de la Gazette qui date de ces jours-là où on voit Maurice Richard sur une statue. Donc, ils comprennent bien qu'on est en train de déboulonner le gars qui est sur la statue. Mm-hmm. Il y a Clarence Campbell à côté en habit militaire. Clarence Campbell, alors, ça fait partie de son personnage très, très peu connu, d'ailleurs. Ça, c'est un trou de l'histoire. On ne sait pas très bien qui c'est Clarence Campbell dans les faits. Il a été lié au procès de Nuremberg. Donc, vous avez, là, vous voyez, le juge, le soldat qui s'en prend à l'icône. Oui. C'est très intéressant comme ça. Et c'est plus compliqué qu'une simple opposition bipartisane. Et puis, il y aura cet éditorial qui va devenir célèbre, historique en quelque sorte, l'éditorial d'André Laurendeau dans Le Devoir, qui titre « On a tué mon frère Richard ». Qu'est-ce qu'il dit en un mot dans cet éditorial? Il dit plusieurs choses. La première chose qu'il dit, c'est ce qui s'est passé là fait partie d'une série historique. Parce qu'on a tué mon frère Richard, c'est une allusion à Honoré Mercier. On a tué mon frère Riel. Oui. Donc, ce qui se passe là, c'est pas un événement isolé. Ça fait partie de l'histoire du rapport des Canadiens français avec le Canada. Il dit aussi que c'est, bien sûr, et ça c'est indubitable, il y a une dimension nationaliste à l'affaire. Donc, c'est lié à la situation des francophones en 1955. Il dit aussi, et c'est ça qui est peut-être la chose la plus intéressante de cet article-là quand on le relit, il dit « Je peux pas comprendre ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est des foules qui deviennent folles. Mmh. » Et en fait, ce qu'il fait, c'est de la psychologie des foules. Il essaie de comprendre pourquoi. Et il rapporte ça à une anecdote de la conscription de 1942 où il dit « C'est passé la même chose et c'est pareillement incompréhensible. Ouais. » On peut bien trouver des facteurs d'explication, mais on sait pas pourquoi subitement des gens par ailleurs calme, deviennent violents à cause d'une émeute. Le danger d'une foule, le potentiel de c'est danger. Il y aura donc, à partir de cet éditorial de Laurendeau, toute une historiographie, en tout cas une interprétation de l'émeute qui sera très, très nationaliste. Mm-hmm. Vous la contestez, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, un extrait de ce reportage diffusé à l'émission des Hôtels en 2005, dans lequel vous entendrez, et il porte vraiment, vous allez voir, cette version très nationaliste de l'émeute Maurice Richard, le cinéaste Jean-Claude Laure et l'historien Jean-Claude Germain. Quand cela ne passe de Butch Bouchard, il prenait le parc derrière ses gaules. On aura dit qu'il portait le sang de tout le Québec sur ses épaules. Pardonnez-moi. Maurice Richard, dans ce sens-là, ressemblait à mon père, ressemblait à un paquet de gens qui sont de cette époque-là. Mais, à la différence des autres, lui avait réussi à devenir le meilleur. Et devenant le meilleur, il se faisait harcelé beaucoup, beaucoup, et sur la patinoire et tout ça, mais c'était toujours par des Anglais en plus. Alors, comme il avait un tempérament fougueux puis qu'il n'hésitait pas à jeter les gants pour se défendre, bien, il était devenu un symbole, je pense, pour tous les gens de cette génération-là, moi inclus, à 12 ans, qui faisait en sorte que, tout à coup, il y avait quelqu'un qui était le meilleur et qui osait riposter. La période n'est pas aussitôt commencée que messieurs Richard et Sinclair se font de mauvaises mines. Quelques années plus tard, bien, vous allez avoir la commission Laurendeau-Dunton qui va nous expliquer pour quelles raisons qu'on est en colère ce soir-là. On était juste... Derrière nous, il y avait les Italo et Québécois, puis les Amérindiens. On était les plus bas dans l'échelle. Le plus haut poste qu'on pouvait aller, c'était même pas Foreman. Je veux dire, c'est que ça bouillait derrière, mais ça s'incarnait dans un joueur qui, lui, malgré tout ça, malgré n'importe quoi, toutes les difficultés, il scorait. Richard tente une surpasse. Alors, il y a Benoît Melançon, on vient de l'entendre, toute une lecture très nationaliste qui inscrit cette émeute de 1955 dans cette marche du Québec français vers la Révolution tranquille qui l'attend quelques années plus tard. Vous êtes de ceux qui contestaient un peu cette... Je suis sceptique. Très sceptique, oui. Ouais, pourquoi? Alors, je le disais tout à l'heure, en mars 1955, il se produit quelque chose, qu'on se met à se faire des récits. Non, tout simplement parce qu'on n'a pas de visuel, donc on rentre ce qui s'est passé. Mais on a fait exactement la même chose. La Révolution tranquille, c'est un récit. C'est un moment du récit historique québécois. On se dit, tiens, il s'est passé quelque chose en 1960 et 1966. Et bon, évidemment, on ne l'appelle pas comme ça tout de suite. On va progressivement l'appeler Révolution tranquille, puis on va inventer ce qui s'est passé. Mais en inventant la Révolution tranquille, il faut inventer quelque chose avant. Donc, on invente la grande noirceur. Mm-hmm. C'est inventé parce qu'il faut expliquer ce qui s'est passé avant. Pourquoi il y a une rupture? Mais il y a une rupture, quand même. Il y a une rupture, et on va essayer de trouver, ça fait toujours partie du récit, on va essayer de trouver des événements annonciateurs. Et un des événements annonciateurs, ce serait l'émeute. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette place-là de l'émeute dans le récit de la Révolution tranquille, ça apparaît dans les années 80. Ça apparaît pas pour les contemporains, évidemment. L'exemple que je donne est toujours le même. 17 mars 1960, dans la presse, il y a une rubrique éphéméride. Dans la section des sports. Donc, au cinquième anniversaire de l'émeute. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du sport ce jour, le 17 mars? Ben, il raconte un match de baseball des Cards de Saint-Louis. Il n'y a pas un mot sur l'émeute. Et j'ai fait l'étude. Moi, j'ai pris de 5 ans en 5 ans les journaux pour voir. Et on voit au début, c'est 5 lignes, 10 lignes. Et subitement, dans les années 80, et là, bien sûr, il y a une dimension nationaliste politique à mettre en place, il y a une montée spectaculaire. Ça fait partie du grand récit collectif québécois. Alors moi, je ne dis pas que c'est complètement faux. Ce que je dis, c'est que cette lecture nationaliste, strictement francophone, c'est une lecture réductrice. Ouais. Moi, je pense que cette émeute-là, c'est une émeute sportive, d'abord. Ouais. Ce qui se passe là, c'est du sport. Et je suis très, très sensible à la présence des récits anglophones. C'est-à-dire, il y en avait des masses là, qui étaient là. Donc, il y a une dimension nationaliste francophone. C'est indubitable. Ce serait ridicule de dire qu'il n'y a pas de dimension nationaliste au moment même et par la suite. Mais c'est une émeute sportive. C'est une émeute montréalaise. Ah, c'est ça aussi. C'est le héros de Montréal qui va être spolié. On va dire qu'il est spolié. Donc, oui, il se passe quelque chose. Oui, Maurice Richard, et c'est exactement ce que dit Jean-Claude Laure, c'est l'image de la réussite pour les Canadiens français dans les années 1950 et une réussite arrachée avec difficulté. C'est pour ça qu'on peut s'identifier à Maurice Richard. Il n'était pas particulièrement grand, particulièrement fort, particulièrement rapide, mais l'effort y était toujours. Avec la détermination, on peut tout réussir. Donc c'est vrai qu'il y a une identification très, très forte envers ce Canadien français qui réussit à force d'efforts redoublés. Ça, c'est une partie du récit. Elle est indubitable, incontestable. Il y a une autre partie du récit, celle qui ne fait pas l'affaire du récit nationaliste habituel, qui consiste à dire c'est aussi le héros des Canadiens anglais. Le plus grand fan de Maurice Richard parmi les écrivains canadiens anglais de Montréal, c'est Mordecai Richler. Donc, on ne peut pas dire qu'il est un nationaliste québécois particulièrement virulent. Mais ça fait partie aussi de ce portrait-là. Moi, ce que je veux te donner, c'est un peu plus d'épaisseur à cet événement que la lecture traditionnelle. C'est multidimensionnel, au fond. Ah, ça passe beaucoup, beaucoup de choses. C'est toutes sortes de choses qui sont investies, là. Benoît Melançon, professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.